Chapitre 89. La recommandation de parler clairement et en répétant si nécessaire pour être bien compris. 696. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de répéter trois fois ses paroles afin d'être bien compris. De même, quand il allait à la rencontre de gens, il les saluait à trois reprises. Al-Bukhari. 697. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était si clair dans ses propos que quiconque l'écoutait le comprenait. Abu Daoud. 696.